Chapitre 5e. Dans les premières œuvres de Lamartine, comme dans celles qu'il écrit à l'heure présente, éclate un orgueil naïf et blessant. Moi, toujours moi. Cet homme se contemple immortellement lui-même, semblable à ces prêtres de l'Inde qui passent leur vie à considérer leur orteil. Il considère sans cesse sa belle personnalité, dont il n'a pu encore se lasser d'être ravi. Mais ce défaut vraiment prodigieux est surtout choquant dans les commentaires qu'il a voulu rédiger lui-même sur ses propres œuvres. Oui, Lamartine s'est commenté, oh misère! Ces magnifiques, ces incomparables méditations que je ne peux lire sans pleurer d'enthousiasme, il les a lui-même ornées de notes explicatives, et quelles notes! Je supplie mes lecteurs de ne pas se procurer l'édition malencontreuse qui est embellie de ces invraisemblables commentaires. C'est là que le poète, plein de sa personne, nous apprend dans quelles circonstances, à quel moment précis, à quelle heure, dans quel lieu, il a composé tel ou tel vers qui nous ravisse. « J'étais au coin du feu, nous dit-il, je venais de recevoir telle visite, j'étais souffrant, etc., etc. » On ne saurait s'imaginer à quel degré d'intimité arrive cet étrange commentateur. Mais ce qu'il y a de navrant, ce qu'il y a de lugubre, c'est que le poète nous ouvre dans ses commentaires les plus vulgaires et les plus laids côtés de son âme. Vous vous rappelez peut-être les deux admirables méditations intitulées « Le désespoir et la providence à l'homme ». L'une est pleinement sceptique, l'autre pleinement chrétienne. Pendant longtemps, nous nous étions imaginés que les vrais sentiments de M. de Lamartine étaient exprimés dans la seconde de ses pièces. Mais M. de Lamartine lui-même prend plaisir à nous détromper. « Je n'écris la providence à l'homme que pour faire plaisir à ma mère, et c'est dans le désespoir qu'il faut chercher ma pensée et l'état véritable de mon âme à cette époque de ma vie. Hélas, hélas, l'auteur des méditations allégra, je le sais bien, qui n'a écrit ses regrettables commentaires que dans un de ces moments où le besoin d'argent le tourmentait. Mais vraiment, à sa place, nous aurions été plus fiers et eussions préféré mourir de faim, plutôt que de révéler au public de pareille faiblesse, et s'il faut le dire, de telle turpitude. Le tact, d'ailleurs, est ce qui a toujours et surtout manqué à M. de Lamartine. On connaît ses interminables confidences, dont nous ne voulons dire que deux mots. Il y trace, d'une main très involontairement irrespectueuse, le portrait physique de sa mère et de ses sœurs, avec un luxe de détails qui affligera tous les fils et tous les frères. Quant à lui, il ne s'aperçoit même pas de son irrévérence, et serait bien étonné d'apprendre qu'on ne parle pas ainsi de celle que l'on doit entourer d'une vénération délicate et pudique. Dans Graziella, il racontera longuement, très longuement, comment il a abandonné une jeune fille qu'il aimait et comment cet abandon dut amener la mort prématurée de cette créature charmante. Et s'il faut en croire certains critiques, cette vilaine action ne serait pas historique et M. de Lamartine aurait mis gratuitement sur son compte cette honte imaginaire. Partout, dans son Raphaël, dans ses confidences, dans les commentaires de ses méditations, il nous apparaît avec la même physionomie. Plutôt que de ne point parler de lui, il nous raconte tout ce qui peut le diminuer dans notre estime. Pourvu qu'il ait la bouche remplie du mot « je », il est heureux. Dans la mort de Socrate, qu'on a généralement imprimé à la suite des premières méditations, nous sommes heureusement délivrés de ce lamentable égotisme. Aussi nous trouvons-nous face à face avec un pur chef-d'œuvre. C'est Platon christianisé. Mais Platon, qui avait à son usage le plus harmonieux, le plus beau de tous les parlers humains, n'a pas été si doux, si limpide, si musical que notre poète français, lequel n'avait à sa disposition qu'une langue assez ingrate, sans sonorité et sans éclat. Je pense que nous pouvons opposer la mort de Socrate à ce que l'Antiquité a produit de plus parfait. Socrate y a été prodigieusement embelli et Platon aussi. Malheur à l'intelligence qui ne se sentirait pas grandir à la lecture de ces vers. J'ai déjà dit qu'il fallait se défier de ceux qui n'aiment pas la poésie. Cela est vrai surtout de la mort de Socrate. Il manque quelque chose à la tête de ceux qui ne l'admirent point.